d'ampleur concernant la vétusté de l'habitat marseillais. Deux des bâtiments étaient fermés et murés, mais dans le troisième, 9 appartements étaient encore habités. Dans le reste de l'actualité, qui pour remplacer Pascal Pavageot? C'est une première dans l'histoire de Force Ouvrière. 3 candidats vont s'affronter lors de l'élection du nouveau secrétaire général le 21 novembre. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour entrer dans la course, une élection qui fait suite au scandale du fichage de certains cadres du syndicat. Suite des commémorations de la Grande Guerre pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État est attendu d'abord aux Éparges dans la Meuse aujourd'hui, l'un des hauts lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Le président de la République se rendra ensuite à Verdun, puis à Reims, où il rendra hommage aux tirailleurs sénégalais morts au combat. À l'étranger, on vote aujourd'hui aux États-Unis. Élection législative de mi-mandat cruciale pour Donald Trump. Jusqu'au dernier moment, le président américain a sillonné tous les États et enchaîné discours et bains de foule. Selon les derniers sondages, les démocrates sont donnés favoris pour reprendre la Chambre des représentants. Les républicains, eux, devraient conserver le contrôle du Sénat. On a appris par ailleurs, il y a une heure, que Facebook et Instagram venaient de bloquer 115 comptes étrangers soupçonnés de vouloir interférer dans le scrutin. Allez, on passe au sport avec en football le retour ce soir de la Ligue des Champions. 4e journée de la phase de groupe à 18h55, Monaco accueille Bruges et à 21h, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Naples. Après une victoire, un nul et une défaite, le club de la capitale va devoir l'emporter au risque d'être quasi éliminé. Sur la route du Rhum, c'est François Gabart qui a repris les rênes de la course hier. Les bateaux de deux des skippers favoris, Vincent Josse et Thomas Coville, ont été très endommagés. Plusieurs navigateurs ont dû par ailleurs s'abriter dans des ports bretons pour échapper à une tempête. La météo, au lever du jour, le ciel restera couvert et souvent pluvieux sur la moitié sud du pays avec de fortes averses orageuses entre les Cévennes et la Provence. En cours de matinée, ces pluies vont se décaler vers la région PACA. L'après-midi, le temps restera agité sur le sud-est avec toujours pas mal de pluie, de la neige en montagne. À l'opposé, une autre perturbation arrivera par la Bretagne avec de fortes rafales de vent en soirée. Au nord, en revanche, la journée s'annonce assez calme. Les températures ce matin, 9 degrés à Perros-Guirec, 10 à Mulhouse et Marmande, 12 à Soissons et à Bourges, 15 à Bormes-les-Mimosas et à Bonifacio. L'après-midi, on attend 15 à Laval et Albi, 19 à Paris et Thionville et 20 à Calais. Le double expresso de 6h à 9h sur RTL2. reconnu la voix de Sia, le groupe LSD, Thunder Cloud sur RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Bonjour et bienvenue, on est mardi aujourd'hui, c'est le 6 novembre qui démarre 453e édition du double expresso RTL 2. Un petit bonjour collectif, 3, 4. Bonjour. Vous faites ça tellement bien. Vous êtes bon sur 10 000 euros et sur les bonjours collectifs. Tout le reste aussi, hein. Mais là je trouve que vous êtes particulièrement. C'est la Ligue 1. Bonjour Justine. Salut Greg, comment ça va? Bah ça va très bien, écoute, rien de spécial, rien à signaler. C'est un petit lundi soir, tu sais, Oh t'as les yeux rouges toi? Ah oui, non mais moi j'ai fait une entorse à mon programme du lundi soir. Vous savez, je regarde L'amour est dans le pré normalement. Ouais. Et j'ai regardé le téléfilm de TF1 et j'ai pleuré. Oh. J'ai beaucoup pleuré. Elle a mis des glaçons hier devant ses petits yeux. Ah mais j'ai pour pas pleuré petite larme, j'ai pleuré des sanglots toute seule sur mon canapé. Triste un peu. Hein. Moi aussi j'ai fait pareil quand j'avais reçu des SMS de Jonathan pour les blagues du top 3 tout à l'heure. Ah, elle m'a fait la même chose. T'as pleuré de rire. Ouais, bien sûr. Voilà. Bonjour Jonathan. Bonjour. Très content de cette introduction. C'est bien en tout cas. T'as bien fait de bosser, de faire trop de ruction. Bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Bonjour l'équipe. Ça va? Tranquille. Bon, il va faire des petites pizzas avec Thomas pour ceux qui étaient avec nous à 5h55. Ah. Il a décidé de prendre ça en main. Bonjour à Max. Bonjour. Qui est aux réseaux sociaux. Anaël, Clara, Jules, évidemment, toute l'équipe est en pleine forme. Ça va les filles? Ça va. Calme-toi. Me saoule pas. Hein, plein de sourires. Hein. Ciné des Clavits sur RTL 2. In my heart, you light my way in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Lenny Kravitz, n'oubliez pas, deux titres de Lenny Kravitz à la suite. Vous nous appelez pour aller le rencontrer, l'applaudir à Milan. Ce sera le 11 mai prochain. On avait lancé hier le Free Challenge. Enfin, on avait découvert ça sur le site Reddit via le New Yorker. En fait, en gros, vous faites une photo de votre frigo puis vous devez deviner de qui il s'agit. On l'a lancé sur notre page Facebook, hein, Justine. Oui, on a pris en photo hier tous nos frigos, toute l'équipe. Hein, nous sommes 8. Et alors, je dois dire que personne d'entre vous n'a trouvé la bonne combinaison pour le moment. On peut aussi vous dire merci parce que vous êtes extrêmement nombreux à avoir joué et fait des propositions. Oui. Vous avez presque trouvé tous les bons frigos, mais il y a eu des pièges. Mais participez encore là. On en reparlera vers 8h et on a des cadeaux. Par contre, ils sont totalement surexcités par ce jeu. Vous êtes fous, hein, vous devenez fous avec ce truc de frigo. C'est hyper drôle. Il faut que vous sachiez qu'ils m'ont harcelé même quand j'étais en émission de télé pour me dire « Fais ta photo de frigo !» Arrêtez de m'engueuler tout le temps. C'est normal, on faisait le challenge. Tu fais que m'engueuler. Oh. Téléphone Adèle et l'Info Expresso sur RTL2. Tu fais que me gronder. Que ça. Ouais. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Et si l'élégance était éternelle? DS Automobile présente DS3 Forever. Avec son toit monogrammé DS, ses projecteurs DS LED Vision, sa boîte de vitesse automatique avec palette au volant et sa navigation connectée sur écran tactile, cette citadine produite en France est à la pointe de l'élégance. DS3 Forever, le style est éternel. Jusqu'au 30 novembre, pour l'achat de DS3 Forever, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur. Détail de l'offre sur dsautomobile.fr. Bonjour, c'est David Ginola. La France, un incroyable talent, revient avec des candidats prêts à tout pour vous surprendre. Préparez-vous à vivre un spectacle délirant avec un jury exceptionnel. Marianne James, Hélène Segarra, Eric Antoine et Sugar Sammy. C'est génial. Merci pour ce moment. La France a un incroyable talent. Ce soir à 21h sur M6. Leclerc. Ah maman, c'est quoi tous ces gels douche Tahiti là? Une super promo Leclerc. Un lot de 3 gels douche Tahiti achetés, un lot de 3 gels douche Tahiti offerts. Ah ouais, carrément! Bah ouais, un lot de gels douche Tahiti achetés, un offert. En plus, on a le choix dans les parfums. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. Pour l'achat d'un lot de 3 gels douche Tahiti de 250 ml chacun, variété au choix, le deuxième lot est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 3 gels douche Tahiti achetés, 3 gels douche Tahiti offerts. Ça, c'est des super promos! Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. 6h16, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Double Expresso RTL 2, l'Info Expresso. Et si vous êtes du genre à installer votre sapin de Noël dès le 10 novembre, comme moi, eh bien j'ai quelque chose qui va vous donner le sourire. Téléphone, et c'est juste après. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves. Sur RTL de 6h20. L'Info Expresso RTL 2. Alors Justine, ça y est, on est rentré. Alors il faudrait, je voudrais qu'on nous plaigne toute l'équipe parce qu'on est rentré dans la période pré-Noël. Ouais. Et donc avec Justine Salmon, une période pré-Noël dure 2 mois avant Noël et 2 mois après Noël. Bah il y a pire, hein, ça va. Donc hier il y avait les téléfilms de Noël et là ce matin. Ouais. Bah on parle déco de Noël. Ça y est, est-ce que alors, pour le coup vous devez voir dans les supermarchés. Ça y est, on a les calendriers de l'Avent, on a les décos de Noël. Est-ce que vous êtes le genre de personne à vous précipiter sur les décos de Noël plusieurs semaines en avance, comme moi? Non. Ah oui, pas non, du tout. Pas trop. Moi aussi, j'adore. Non, mais on en parlait hors antenne, on peut vous livrer ça. Par exemple, ma tradition chez moi, et je crois que chez toi c'est pareil, c'est premier week-end de décembre, oui, on achète le sapin. Mes parents faisaient ça. Mmh. Ouais, moi, je fais ça avec les enfants. Bon, nous sommes nombreux en tout cas à installer nos décos de Noël en avance. Ça rajoute un petit peu de chaleur dans la maison quand même. On se moque de nous. Mais non. Sachez que le résultat... Non. On a pas tort, les personnes comme moi, je nous mets dedans. Le résultat d'une étude assure qu'installer ses décos de Noël en avance rendrait plus heureux. Ah ouais. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent lié à la nostalgie. Soit revivre la magie, soit pour compenser un manque dans le passé. Les décos, c'est une encre, un chemin vers les émotions de l'enfance. Donc installer ces décos de Noël tôt permet de prolonger l'excitation. Vous voyez, moi je suis excitée pendant 2 mois et demi. Il y a un peu de nostalgie, un peu de mélancolie, un peu de bien-être, un peu de retour à la famille. C'est vrai, t'as raison. Et j'ajoute quelque chose, les décos de Noël permettraient d'avoir une meilleure relation avec ses voisins. Parce que ça nous rend plus accessibles. Et ça nous sociabilise plus. Les gens dont la maison arbore des décos de Noël sont plus amicaux. D'accord. Voilà. Okay. C'est vrai que c'est un truc que tu parles avec tes voisins. Oui, je précise que ça marche pas pour les gens qui laissent les décos toute l'année. Non merci. Ceux-là ils sont punis. Ah ouais. C'est puni par la loi. Merci Adèle. Hello sur RTL2. Bonjour. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't take. Hello sur RTL2 à 6h25. C'est l'heure de l'horoscope, médaille de bronze pour commencer avec les Gémeaux, Greg. Vous ne serez pas très chanceux aujourd'hui. Hein. Les Vierges. Prenez du temps pour réfléchir, ça vous fera le plus grand bien. Et les Verseaux. Vous vous prenez trop la tête, levez le pied. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Vous êtes très ambitieux, c'est une grande qualité. Cancer. N'hésitez pas à vous fier à votre intuition, elle est très bonne. Lion. Votre journée va commencer par une bonne nouvelle. Les Balances. Un esprit sain dans un corps sain, voilà votre devise. Scorpion. Vous serez d'humeur à séduire aujourd'hui. Les Sagittaires. C'est le moment idéal pour vous retrouver avec vos proches. Capricorne. Votre détermination vous ouvrira de nombreuses portes. Poisson. Aujourd'hui, l'humour et la bonne humeur sont au programme. Et médaille d'or pour les Taureaux. Eh bien bravo, entre les compliments de votre entourage et votre réussite professionnelle, cette journée s'annonce inoubliable. Tiens, si on écoutait Alanis Morissette. Thank you. Merci, bonjour. Évidemment, le winner du jour dans quelques secondes avec Justine. Et puis, vous nous appelez au 3028 pour le tube de la brosse à dents RTL2. On vous offre un séjour Brittany Ferries d'une valeur de 1000 euros à gagner au 3028. Clara est déjà au travail. T'as vu comment elle bosse? Elle est au taquet, Clara. Incroyable. À tout de suite sur RTL2. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Tout à l'heure, à partir de 18h dans le Drive RTL2, on reçoit Panic at the Disco. Écoutez. Panic at the Disco en live dans notre studio, c'est tout à l'heure dans le Drive. Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2. Hey, t'as pas oublié, hein, ce soir, Naples PSG. Bah non, j'ai pas oublié, non. Et c'est le match retour. Mais je sais. Faut vraiment gagner, là. Mais je sais. Arrête. Il me met la pression, celui-là. C'est pas vrai, hein. Ça marche à chaque fois. Tiens, jamais le choc. C'est la semaine des chocs. Préparez-vous pour le choc 1, Naples PSG, ce soir, à 21h, en exclusivité, sur RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois, sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, 9€ par mois pour les abonnés mobile et box de SFR jusqu'au 19 novembre, ou 19€ par mois en abonnement digital. Leclerc. Thibaut, t'as vu ça? La Nintendo Switch? Ouais, ça fait longtemps que je l'ai repérée. C'est super ça comme console. Tu l'emmènes partout et tu peux jouer à plusieurs. Il y a 5 euros de tickets Leclerc. Ça c'est direct dans la lettre au Père Noël. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, la console Nintendo Switch est à 292,49€, dont 60 centimes d'éco-participation, avec en plus 5 euros en tickets Leclerc. Voir modalité et disponibilité en magasin et sur www.culture.leclerc. Une Switch, c'est cool ça pour Noël. Mais oui, moi j'adore. Lorsque vous êtes gérant d'une entreprise, chaque journée est un nouveau défi. Entre les rendez-vous clients et les problèmes de photocopieuse, pas le temps de passer des heures à consulter des CV. Et c'est là qu'Indeed entre en scène. Lorsque vous publiez votre offre d'emploi sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50 euros offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Le Cross du Figaro revient avec un nouveau parcours encore plus sportif. Choisissez votre distance, 5, 10, 15 ou 20 km, votre jour et votre heure de départ. Faites avancer la recherche en soutenant le Téléthon, partenaire du Cross du Figaro. Plus vous courez, plus vous donnez. Le Cross du Figaro, les 24 et 25 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Événement sur Sistère. La trilogie est de retour. Frissons, Surnaturel, Légende et Histoires fantastiques reviennent pour les nostalgiques et les fans. Avec 3 séries inédites, Once Upon a Time, Siren et Supernatural. La trilogie, c'est le rendez-vous à ne pas manquer et c'est ce soir à 21h sur Sistère. 6h30 à la seconde près avoir Alanis Morissette. Voici vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors les recherches se poursuivent ce matin à Marseille. Les pompiers ont fouillé toute la nuit les gravats des 3 immeubles du centre-ville qui se sont effondrés hier. Selon le ministère de l'Intérieur, 10 personnes sont portées disparues, 8 locataires et 2 passants. Mais les secours sont pessimistes quant à l'espoir de retrouver les survivants. En parallèle, la polémique prend de l'ampleur concernant la vétusté de l'habitat marseillais. 2 des bâtiments étaient fermés et murés, mais dans le 3e, 9 appartements étaient encore habités. Deux hommes en garde à vue après une agression homophobe. C'était fin octobre à Rouen. Ils sont soupçonnés d'avoir tabassé un jeune homosexuel à la sortie d'une boîte de nuit. Et à Toulouse, c'est une lesbienne qui a déposé plainte hier après avoir été rouée de coups et insultée par 3 hommes armés d'une batte de baseball la nuit d'Halloween. Elle souffre d'un traumatisme crânien. Le carnet de santé numérique arrive en France. Un dossier médical partagé qui va permettre d'héberger toutes les données médicales des patients et permettre une meilleure coordination des soins. Il est déjà expérimenté depuis fin 2016 dans le Val-de-Marne. Le gouvernement espère pouvoir en créer 40 millions d'ici 5 ans. La suite de la saison des prix littéraires en attendant le Goncourt et le Renaudot. Demain, c'est le prix Médicis qui sera attribué aujourd'hui. 7 candidats, 4 femmes et 3 hommes sont en lice. Hier, le Fémina a été décerné à Philippe Lanceau pour son livre Le Lambeau qui revient sur l'attentat de Charlie Hebdo. On vote aujourd'hui aux États-Unis l'élection législative de mi-mandat cruciale pour Donald Trump. Jusqu'au dernier moment, le président américain a sillonné tous les États, enchaîné discours et bains de foule. Selon les derniers sondages, les démocrates sont donnés favoris pour reprendre la Chambre des représentants. Les Républicains, eux, devraient conserver le contrôle du Sénat. Allez, on passe au sport. En foot, le PSG va devoir gagner. À 21h, Paris se déplace à Naples à l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions. Le club de la capitale doit l'emporter s'il veut sa place en 8e de finale. Avant ça, à 18h55, Monaco recevra Bruges. Et puis en tennis, Rafael Nadal, lui, n'ira pas à Londres dimanche. L'Espagnol opéré hier de la cheville a déclaré forfait pour le Masters. Un retrait qui assure à Novak Djokovic de terminer numéro 1 mondial la saison. La météo, levée du jour, le ciel restera couvert et souvent pluvieux sur la moitié sud du pays avec de fortes averses orageuses entre les Cévennes et la Provence. En cours de matinée, ces pluies se décaleront vers la région PACA. L'après-midi, le temps restera agité sur le sud-est avec toujours pas mal de pluie et de la neige en montagne. À l'opposé, une autre perturbation va arriver par la Bretagne avec de fortes rafales de vent en soirée. Au nord, en revanche, la journée s'annonce plutôt calme. Les températures ce matin, il fait 8 degrés à Saverne, 10 à Dax, 11 à Arras et Cholet, 12 à Paris, 14 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 16 à Ajaccio. L'après-midi, on attend 12 à Auch, 14 à Carnac, 17 à Dreux et 18 à Vichy et Vittel. 6h32, bonjour à tous, bonjour Justine, une winneuse. Bonjour, oui, une vraie winneuse nous attend, c'est Ginette. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Ginette? Plus de sport que nous tous réunis, je vous dis tout dans un instant. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? Thank you, Indiana. Alanis Morissette, Thank You sur RTL2. Merci d'être là, 6h36. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous parler de sport avec le winner, Justine? Je vous parle de sport avec Ginette. J'ai trouvé cette info sur le Figaro, madame. Ginette Bédard. Ginette, elle court 3 heures par jour toute l'année. Quelle que soit la météo, elle court près de 20 km quotidiennement. Alors moi, on m'a dit que c'était pas bon de courir tous les jours. Attends, ça veut dire qu'elle fait 140 km par jour, par semaine, 3 marathons et demi par semaine. Et Ginette, elle a 85 ans surtout. Voilà. Ginette, elle a 85 ans et c'était la seule octogénaire parmi les 50 000 coureurs à prendre le départ du marathon de New York ce week-end. Ah oui, c'était dimanche. Enfin, le week-end dernier. Ouais. Donc, elle a bouclé son 16e marathon de New York, attention, en 6h19 minutes. Ah ouais. Et Ginette, elle est native de Metz en plus, de chez nous. Elle est naturalisée américaine après être arrivée aux États-Unis il y a plus de 40 ans. Mm-hmm. Alors, comment elle s'est préparée? Et en plus, je trouve ça plutôt rigolo ce qu'elle dit. Bon, j'ai pas d'alimentation particulière. Je m'alimente comme tout le monde. Elle a son petit vin, son petit fromage, sa petite glace. Mais tout avec mesure. Elle évite les compléments alimentaires et les vitamines. Ça, elle dit que c'est trop cher et que c'est bidon. Et voilà. Elle est à l'inverse de tout ce qui a été dit depuis des mois et des années. Ginette, elle s'est mise en plus à la course de fond qu'à 69 ans. Donc dites-vous, il n'est jamais trop tard. Bah, dis-toi aussi, hein, tu peux. Oui, je n'ai que 32 ans. Hein, ouais, mais bon. C'est pas te le dire. Et à 72 ans, elle a atteint quand même son meilleur temps. Elle a terminé le marathon de New York en 3h46. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal du tout, même. Elle a la fin, je vais pas faire de viager avec elle, hein, je vous le dis tout de suite. T'imagines. Et je sais pas si vous avez vu, elle ressemble à Liliane de Catherine et Liliane. Ginette, vraiment. Je vais vous mettre son visage sur sa photo sur la page Facebook de l'émission. Eh ben, c'est parfait. J'ai envie de dire bravo. Bravo Ginette. RTL de 6h41, rapidement, parce que j'ai envie qu'on y arrive, j'ai envie d'accueillir Bruce Springsteen. On va jouer, Justine. On va jouer au tube de la brosse à dents. Appelez-nous 3228 pour gagner un beau cadeau, un coffret cadeau irrésistible Voyage by Brittany Ferries. Une valeur de 1000 euros, puis on écoutera également In Excess sur RTL 2. A tout de suite et bon réveil, évidemment, ce mardi matin.

6h46, bonjour à tous, bonjour Justine. Hello Greg, bonjour tout le monde. Bonjour l'équipe et bonjour Jonathan qu'on retrouve dans 10 minutes. Exactement, je vous ai trouvé le plus grand fan de pompiers qui est prêt à tout pour discuter avec eux. D'accord, je vous le dis. Ça sera dans le top 3 de l'actu à 6h55. D'ici là, on aura joué au tube de la brosse à dents RTL2 avec Lynn and Ara Bruce Springsteen après In Excess sur RTL2. All you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw, I've got to let you know, I've got to let you know. You're one of my sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Bonjour Nathalie. Bonjour Justine, bonjour Greg. Coucou bonjour. Nathalie. Comment ça va? Bah super bien. On est content. Bah ouais, on est content aussi de vous accueillir. Vous êtes à la Pérouse Fossade, c'est à côté de Toulouse, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Vous êtes en train de vous préparer ce matin là? Non, je suis déjà au travail avec Lucienne, ma première patiente. Alors on rigole parce que je suis toute tremblante. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Patiente. Je suis infirmière libérale. Ah oui, c'est ça. Bah oui. J'allais dire infirmière. De toute façon, c'est l'heure des infirmières. 7h10. C'est ça. Je peux vous le dire. Vous faites un coucou et un bisou à Lulu de notre part. On embrasse Lucienne. On embrasse Lucienne, évidemment. Bah, voilà, on fait et un bisou. Et Nathalie, ne soyez pas tremblante. Hein. On est détente ici. On est la cool. Ouais, tout va bien. Oui. Lui aussi, c'est le roi des piqûres, mais ça fait mal aux oreilles. C'est Bruce Springsteen. Salut, Bruce. Bonjour, les paprockers. Nathalie, ne vous inquiétez pas parce que quand Bruce est là, tout va. Okay. Oh yeah. Bien creuser la tête pour ce slogan-là. Allez, attention ouais. À vous découvrir sa chanson pour gagner un séjour Brittany Ferries d'une valeur de 1000 euros. À toi, Bross. Ça devrait aller, Nathalie, on vous écoute. Oh, je suis pas sûre du tout, allez-y. Mais c'est des Coldplay. Mais oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bravo. Il y a Lucienne qui fait la danse de la joie à côté sur son lit avec la picousse dans la main. Elle est là, elle danse. Merci, Bruce. Mais rien, vous avez un vrai talent. Hein. Ah, on est bravo. Trop contents pour vous. On bravo, Nathalie. On ce que vient de gagner Nathalie exactement, de façon très précise. Bah, un coffret cadeau irrésistible, voyage d'une valeur de 1000 euros. Vous pourrez à partir découvrir Londres par la mer. Bravo, on vous embrasse, Nathalie. On vous souhaite une bonne journée. Et vous et Lucienne, qu'est-ce qu'on vous sert? un double expresso. Oui, sur RTL2, évidemment. Sur RTL2. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. Jonathan O'Donnell est avec nous pour son top 3 évidemment tout au long de l'émission, mais il y a ce rendez-vous à 6h55 et 8h55. L'actu revue corrigée, décalée. C'est exactement ça. Bonjour Grégory, bonjour, bonjour Justine. Et bonjour. On aime cette actu décalée. Ah bien sûr. Ouais, je l'espère. Une info justice pour démarrer. mec, t'as vu, il dit pas vous l'aimez, il dit on l'aime. Hein. Ah, il impose. Il impose de goût. Il a raison. Attention, c'est un peu caustique ce qui arrive, puisque refusé chez les pompiers des Bouches-du-Rhône, un homme de 30 ans a été jugé car il mettait le feu pour parler avec eux. Bah quand même. Ah bon ? Eh ouais, ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a aussi été accepté en prison. Il va pouvoir parler avec les surveillants, comme ça, c'est cool aussi. C'est plus rassurant. Bah, avec tout un tas de gens. On file en Italie un parking entier de voitures de luxe Maserati est parti en fumée suite à un incendie. Oh non. Et apparemment, le type qui voulait être pompier a bougé en Italie. Bouches-du-Rhône, Italie direct. Hein. Et enfin, une femme a ramassé un champignon comestible de 8,5 kilos sur les hauteurs de la Madeleine vers Saint-Nicolas-des-Bièvres. Voilà. Alors, c'est facile hein, pour vous repérer parce que c'est juste derrière l'entrepôt des déchets radioactifs. Et c'est beaucoup de champignons d'une dizaine de kilos. 8 kilos et demi. Je tiens en train de dire on peut faire de belles omelettes avec. Bah oui, je vous fais une omelette pour toute l'équipe. Oasis, Wonderwall, you're aussi Imagine Dragons, Police. Bonjour, c'est le double expresso RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salaire. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés.

Suite des commémorations de l'armistice pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État est d'abord attendu aux Éparges dans la Meuse, l'un des hauts lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Le président de la République se rendra ensuite à Verdun, puis à Reims, où il rendra hommage aux tirailleurs sénégalais morts au combat pour la France. À l'étranger, le procès de l'attentat du Bardo s'ouvre aujourd'hui à Tunis. Il y a 3 ans et demi, l'attaque du musée revendiquée par Daesh avait fait 22 morts. Les victimes françaises pourront suivre l'audience depuis Paris par vidéotransmission. 56 accusés devraient être jugés en 2 jours. On vote aux États-Unis, élection législative demi-mandat cruciale pour Donald Trump. Jusqu'au dernier moment, le président américain a sillonné tous les États et enchaîné les bains de foule. Selon les derniers sondages, les démocrates sont donnés favoris pour reprendre la Chambre des représentants. Les républicains, eux, devraient conserver le contrôle du Sénat. Allez, on passe au sport avec en football, le retour ce soir de la Ligue des Champions. 4e journée de la phase de groupe à 18h55, Monaco accueille Bruges et à 21h, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Naples. Après une victoire, un nul et une défaite, le club de la capitale va devoir l'emporter au risque d'être quasiment éliminé. Sur la route du Rhum, c'est François Gabart qui a repris les rênes de la course hier. Les bateaux de 2 des skippers favoris, Vincent Jeans et Thomas Coville, ont été très endommagés. Plusieurs navigateurs ont par ailleurs dû aller s'abriter dans des ports bretons. La météo, au lever du jour, le ciel restera couvert, souvent pluvieux sur la moitié sud du pays avec de très fortes averses orageuses entre les Cévennes et la Provence. En cours de matinée, ces pluies vont se décaler vers la région PACA et l'après-midi, le temps restera très agité sur le sud-est avec toujours pas mal de pluie et de la neige en montagne. À l'opposé, une autre perturbation va arriver par la Bretagne avec de fortes rafales de vent attendues en soirée. Au nord, en revanche, la journée s'annonce plutôt calme. Les températures ce matin, plutôt douces pour la saison, 10 degrés à Mulhouse et Saint-Jean-de-Luz, 11 à Lorient, 12 à Bourges, 13 à Troyes, 14 à Sartène et 15 à Menton. Cet après-midi, on attend 13 à Fougères, 16 à Castelnaudar et 19 à Paris, 20 à Calais. 7h03, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour l'équipe, bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour. Bonjour à Max qui est aux réseaux sociaux. Bonjour. Une nouvelle fois, Facebook, Instagram, Twitter. Oui. Bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Bonjour Greg. Clara au standard jeu, bonjour Clara. Bonjour. 32-28, Annaëlle, Jules, évidemment, tout le monde est là. Bonjour Annaëlle, ça va ? Bonjour, ça va. Elle me regarde avec ses petits yeux. Je peux dire bonjour, je peux dire bonjour. C'est Oasis, Wonderwall sur RTL2. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Things that I would like to say to you, but I don't know how. sur RTL de City Wonderwall. Bonjour, 7h07. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Et c'est reparti pour une belle journée. On est mardi matin, c'est le 6 novembre qui démarre. Et Justine, un chiffre, enfin plutôt un horaire qui nous tient à cœur, ouais. 15h35, à partir de 15h35 aujourd'hui, sachez que les femmes travaillent gratuitement. C'est le collectif féministe Les Glorieuses qui a fait le calcul. Compte tenu, vous savez, de l'inégalité de salaire entre les sexes, les femmes ne sont plus payées à partir de ce mardi 6 novembre, 15h35, jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Voilà. C'est déroutant hein, quand même comme chiffre. C'est comme quand, quand on nous dit mi-août qu'on a attaqué les réserves de la planète. C'est le genre de chiffres qui font, qui font résonner. Enfin, dans notre esprit, le fait qu'il faut prendre conscience de ça. Bah oui, tant mieux. Effectivement, tu finis à 9h, Justine. Tu t'en sors bien quand même. Tu grattes un petit peu déjà. Je suis chanceuse. Du coup, les patrons d'RTL2 sont contents. Ah bah oui. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Vous voulez vous en parler ce matin, c'est bien logique. Imagine Dragons, Natural, dans le double expresso RTL2. Vous souhaite évidemment un très bon réveil et un bon début de journée. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna make it! Imagine Dragons, leur nouveau single Machine est d'ailleurs sorti mercredi dernier et leur nouvel album Origins sort vendredi. Bah oui, c'est vendredi là le nouvel album d'Imagine Dragons. Mais je frétille, on va écouter Police. Et puis pour l'info expresso, je vais vous parler d'un concept complètement original. D'accord. Ah, tu peux me regarder avec ces gros yeux là, pédaler pour regarder un film. Oh l'enfer. Ah, oui. Non, c'est pas l'enfer, c'est l'info expresso du double expresso RTL2. Oh tout là suite. Là, toujours du sport. Non, bah oui. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Tom Walker, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de pique. RTL2.

sur RTL2. L'Info Expresso, RTL2. L'Info Expresso, c'est tous les jours 6h20, 7h20, 8h20. On fouille la presse et le web pour vous. Exactement, j'ai trouvé ça sur 20minutes.fr. Bon alors, quand vous allez au ciné, généralement, vous aimez être tranquille et manger les pop-corns ou les bonbons qui piquent, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Bon, et ben pas du tout du côté de Toulouse. La Maison du Vélo de Toulouse propose aujourd'hui et demain des projections à la force du mollet, si je puis m'exprimer ainsi. Ce sont donc les spectateurs qui vont devoir pédaler, puisque le vélo générateur d'électricité sur lesquels les séances vont donc entièrement reposer a été conçu par l'association Ciné Cyclo. En gros, je résume en une phrase, si vous voulez voir votre film, va falloir pédaler sec. Alors tout est bon pour nous faire faire du sport. Voilà, parce que ce sont des projections insolites qui vont permettre, si évidemment vos mollets tiennent, de voir deux documentaires sur la petite reine, en plus des documentaires sur le vélo, ta passion, Justine, qui s'inscrivent dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Il y a quand même un sens à tout ça. Elles ont pour but de faire la promotion des modes doux en ces temps de réchauffement climatique. En gros, l'exercice est plus difficile que sur un vélo ordinaire. Il faut déployer davantage d'énergie, mais c'est pour la bonne cause. Mais genre, si on pédale plus, le film s'arrête? Bah oui, c'est le genre de concept, quoi. Voilà. Jamais la fin des films. Tu vois, c'est sûr. Je suis d'accord. Bah oui. T'imagines, surtout que nous qui nous couchons tôt, un peu fatigués par ces réveils matinaux, il y a un moment, quand tu lâches au milieu d'un épisode d'une série, là tu lâches sur ton vélo, plus rien. Non mais l'idée est pas mal en vrai. L'idée est bonne pour faire du sport, pour se motiver. Après, personnellement, c'est pas ce qu'il me faut. Après, généralement, le projectionniste improvisé, en gros, celui qui pédale, le cycliste, quand il en peut plus, il lève discrètement la main sans perturber la séance et c'est un autre spectateur qui vient prendre le guidon. Vous faites ça de manière solidaire. C'est de l'entraide. Voilà. Exactement. C'est bien. C'est plutôt sympa. Je garde la main levée, moi. Peut-être un maillot jaune, tu sais, à la fin. À la fin, t'as vu ton film et t'as un maillot jaune. Je transporte tes lettres, tes rêves dans les étoiles. Je suis facteur du ciel pour l'aéropostale. Je regarde le monde depuis mon appareil. C'est beau comme vue d'ici, on a tous l'air pareil. Je rêve.